Dans une autre rue, une vieille femme avertissait Lio de se méfier d'Octave, qu'elle a vu en conversation avec Marianne. Mais c'est Lio croit qu'Octave plaide sa cause à lui, c'est Lio. Tandis que chez lui, Claudio, dans sa fureur jalouse, reproche à Marianne sa conversation avec Octave et lui interdit de le revoir. Blessée dans son orgueil, Marianne envoie un domestique chercher Octave.